Le comité central du Parti social-démocrate de Corée a lancé le 31 mars un appel aux partis politiques, formations et personnalités de divers paliers de Corée du Sud face à la situation dans la péninsule coréenne qui risque de voir éclater à tout moment une guerre nucléaire à cause des exercices de guerre nucléaire des États-Unis et des autorités militaires sud-coréennes. L'appel indique entre autres... Les exercices militaires conjoints qui résolvent et Aigle, où sont mobilisés des centaines de mille soldats, sont passés déjà à l'étape de combat réel. Le porte-avions nucléaire, le sous-marin nucléaire et le bombardier stratégique nucléaire et d'autres biens stratégiques arrivent dans le ciel, sur le sol et sur la mer de la Corée du Sud, et même les troupes d'opérations spéciales tristement célèbres font leur apparition pour l'opération d'élimination visant la suppression de la direction du Nord et pour les frappes préventives contre nos importantes cibles stratégiques. Les exercices de guerre s'avèrent plus dangereuses et téméraires. Toute la nation est appelée à se dresser pour faire échouer résolument les exercices de guerre nucléaire des bellicistes américains et sud-coréens. Tous les partis et toutes les couches de Corée du Sud doivent bien voir la nature des États-Unis, agresseurs et perturbateurs de la paix, et s'engager dans la lutte anti-américaine contre la guerre et pour la paix. Il faut empêcher par la résistance résolue la disposition de SAD des États-Unis qui réduisent la Corée du Sud en champ de guerre des forces extérieures. Tous les milieux sud-coréens doivent bien voir les conséquences désastreuses de la disposition de SAD des États-Unis et livrer avec courage la lutte de masse contre la disposition de SAD qui entraîne la guerre. Il faut faire échouer toute tentative des forces serviles envers les grandes puissances qui s'acharnent à la confrontation contre les compatriotes et à la provocation d'une guerre en suivant le plan des forces extérieures. Tous les milieux sud-coréens sont tenus de porter plus haut la bougie de la justice qui a puni Park Geun-hye traîtresse sans pareil et d'engager la lutte vigoureuse pour balayer tous les sécessionnistes et tous les fanats de guerre. Les partis politiques, les formations et les personnalités du Nord et du Sud sont invités à se soutenir, à se solidariser et à livrer dynamiquement une lutte commune. Les hommes politiques et les membres des partis politiques doivent se débarrasser de l'antipathie et de l'hostilité à l'égard des compatriotes et se tenir à la tête de la lutte contre la guerre et pour la paix. Le Parti social-démocrate de Corée est certain que les partis politiques, les formations et tous les milieux sud-coréens attachés à la justice et à la paix répondront à notre appel patriotique et s'engageront dans la lutte sacrée contre la guerre pour la paix et la réunification indépendante.